Aujourd'hui, le lundi 26 août 2019, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki! Kiki! Kiki! Ouais, kiki! Kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ce soir, on commence en force. Avec un groupe mythique, inclassable, d'une version mélodique intense qui tient la route, ça tient, je te le dis, ça tient tellement la route que elle-même, la route, se laisse aller. Vous demandez c'est quoi ça là, vous demandez, il exagère, on a déjà entendu de la musique dans notre vie, c'est pas la première fois qu'on écoute de la musique. Il nous prend-tu pour des imbéciles? On est déjà vu neiger? Ouais? Raoul, t'as déjà vu neiger? Ben, mets ça dans ta pipe, là. Puis je te conseille de tenter, pas de le faire, là, de tenter d'allumer ce qui va se bourrer à l'instant même. Alors, avez-vous réfléchi sur le groupe? Avez-vous une idée? J'espère que vous n'avez pas mis en fonction votre cellulaire, là, votre téléphone intelligent qui décrypte la chanson juste en plaçant ça devant la radio. C'est quoi, réel? Essayez d'oublier un peu le... Oui, exactement. Les nouvelles techniques. Hein? Elle est partie, elle. Parce que je veux vous dire que je possède un Google Home. Et elle part tout seul. Je sais pas, ça, il tente de dire « J'existe, je suis là. » Fait que « Elle veut juste me dire que sa présence est là et je venais de vous parler de la technique. Ça vous titille, hein? Vous savez, la voix, vous la reconnaissez, là. C'est le groupe, vous le sentez presque, là. Ouais, un petit avant, hein? Deuxième chanson, puis on commence. L'improvisation, le délire narratif, et ça jusqu'aux petites heures, aux grosses heures, aux moyennes heures, aux grosses heures. En veux-tu des heures, on va t'en faire. Là, je vais arrêter de vous titiller et je vais vous balancer le nom du groupe légendaire Ministry. Vous connaissez Ministry, madame? Ah, mais non, pas vraiment. Moi, c'est Michel Sardou. Hein. Il est tellement beau. Il est bon. Il chante bien. Il a des beaux textes. Oui, mais il n'a jamais écrit un texte. Ben, il chante des paroles. Oui, mais c'est pas lui qui les écrit. Ben, voyons donc. Vous l'aimez pas, vous trouvez toutes les raisons du monde pour le descendre, ce pauvre homme. Il est même pas là pour dire la vérité. Pensez-vous qu'on va vous croire? Ben, allez faire des recherches. Des recherches, pas juste à faire, moi. Je dois torcher mes enfants, torcher mon mari, torcher ma maison, puis torcher le compte de banque parce qu'il trouve qu'il n'y en a jamais assez. Oh, beaucoup de travail, beaucoup de... Puis en plus, je suis même pas rémunéré, moi. Je me lève à 6 heures du matin, mon petit jeune. Je me couche à 2 heures du matin, pour faire des... Ben, c'est ça, c'est certain qu'ils amènent des lunchs, hein? Ça me coûte cher! Puis ça me prend beaucoup de temps! Puis le petit dernier est aux couches! Puis moi, votre ministre, j'écoute pas ça, ces affaires. En plus, c'est pour les drogués. Prenez de la drogue, monsieur, là! Ben voyons donc, madame, vous êtes... Non! Écoutez ça, vous êtes pas à jeun, là, hein? Ça demande... Vous devez quand même que le cerveau se ramollisse. C'est pas normal! Qu'est-ce que la normalité? Ben, c'est Michel Sardou. Oui, mais à part Michel Sardou. Ben, il y a Michel Sardou. OK, et? Michel Sardou, il est beau, il est bon, il chante des belles paroles. Hein? Mais d'aventure en aventure. C'est pas Michel Sardou, ça. Hey, arrêtez donc. Vous connaissez rien de la chanson française. C'est Serge Lama. Hey! Moi, quand je fais mon ménage, quand je torche mon mari, je torche mes enfants, je torche le compte de banque, j'écoute juste ça, moi, de la belle musique française, là, des Charles Aznavour, des... Ah, puis Michel Sardou, il est-tu gentil, ce bonhomme-là? Moi, là... Je mettrais mes pantoufles en dessous de son lit sans aucun problème. Puis il est toujours propre de sa personne. Il est calme, posé. Il connaît la femme. Et quand il chante « Femme, femme, femme, je veux te faire l'amour », c'est pas lui. Voyons donc, vous là. C'est qui? C'est Michel Sardou. Non, attendez. C'est pas lui. Attendez, je suis mêlé, là. Vous me dites que c'est Michel Sardou? Je vous dis que c'est Michel Sardou, puis vous me dites que c'est pas Michel Sardou, mais c'est Michel Sardou. Non, femme, femme, femme, là, c'est Serge Lama. Ben, lâchez-le donc, Lama, il va vous cracher en plein visage. Là, vous allez me dire que les ballons rouges, je n'ai pas eu de ballons rouges quand j'étais gosse dans mon quartier, vous allez me dire que c'est pas de Michel Sardou? Ben non. Vous allez me dire que c'est de Serge Lama? Oui. Ben voyons donc, vous. Vous êtes contradictoire! Moi, ça va être, c'est sans doute votre musique de drogué là, qui vous amène à ça. Là. Lâchez la musique de drogué, puis prenez donc la musique du pauvre monde là, qu'on aime entendre. On aime ça, nous autres, Michel Sardou. Ben voyons, qui ça? Ben moi, puis toutes mes... Écoutez, les vendredis, c'est sacré. Pendant 2 heures, j'amène... Ben en fait, j'amène... Elle s'amène elle-même. C'est toutes mes amies, les femmes au foyer de mon voisinage. Un beau voisinage, moi. Ah, juste des femmes avec des enfants, puis des maris qui se trompent leurs femmes, puis qui font rien à la maison, puis qui doivent travailler tout le temps. Pas les maris, les femmes. Les maris, on sait pas où ils s'en vont. On leur demande d'amener un peu d'argent, mais ils amènent rien. Un thé, parce que moi, j'organise des soirées de thé, là. Une journée de thé. J'ai appris que Gaétane Brisebois, 53 ans, 7 enfants, le plus jeune a 1 an, la plus vieille a 14. Tout arrive à cette pauvre femme-là. Et lui, son mari, c'est ça que j'ai arrivé, son mari, lui a pas amené de l'argent, il a amené la syphilis. Les problèmes de faire de déconjugaison, là, les femmes qui se font avoir par leur mari, qui, eux, vont voir des petites femmes de Pigalle. C'est Michel Sardou, c'est les femmes de Pigalle. Mais non. Vous allez me dire, c'est Serge Lama. Oui. Ah bon. Et puis, la pauvre femme a pleuré dans son thé. Je dis, arrête, ça va diluer. Touille, là, puis arrête de pleurer. Ça va passer. Parle-nous de ce que tu vis. On va t'écouter. Ça sert à ça, nous autres. On est plusieurs femmes, là. Puis le voisinage à chaque mois de juillet, parce qu'on déménage au mois de juillet. Êtes-vous au courant de ça, vous, M. Tremblay? Ben là, oui, j'habite au Québec depuis 92 ans. Vous habitez où? Vous avez quel âge? 65. Mais c'est parce que moi, j'étais une vitro, hein. Et une vitro, on comprend rien, une vitro. Écoutez-vous de la musique de drogué, vous aussi? Non. Non, non. Moi, c'est Serge Gainsbourg. Ah, ben là, vous êtes un alcoolique, vous, là. Ben non. Ben vous écoutez Serge Gainsbourg, vous êtes un alcoolique. Voyons donc. Pas parce qu'on écoute, je sais pas, Nana Mouskouri qu'on va avoir ses lunettes. Qui parle d'une réflexion de broche à foin, voilà, là. Retournez donc dans vos poils longs, puis regardez donc s'il n'y a pas des égratignures, parce que, vous savez, le Tefal, le grave problème du Tefal, c'est pas la marque, là, c'est ben, le Teflon à l'intérieur, t'sais. Grave problème du Teflon, c'est que si tu prends une fourchette, pas en plastique, pas en bois, mais en métal, parce que le métal raye le Teflon, et là, ton steak est foutu, tu peux pas faire un bon steak, tu le réussiras pas, ton mari sera pas heureux, il va divorcer, il va se trouver une maîtresse, et puis il va quitter la maison, te laisser les enfants, faire une autre vie avec une fille de 18 ans, tandis que lui, il en a 60, puis Ensin, et ça s'arrêtera plus, ça va être une roue sans fin, tu vas te retrouver tout seul, pas une maudite scène, avec des enfants qui t'énervent, puis là, tu vas essayer de monter, de garder la tête hors de l'eau, c'est comme ça, de la mettre hors de l'eau, mais tu ne seras pas capable. Tu ne seras pas capable parce que, de un, tu n'as pas les moyens d'avoir une piscine. Fait que tu ne pourras pas être dans l'eau. Puis en n'étant pas dans l'eau, ben, tu ne pourras pas mettre la tête hors de l'eau puisqu'il n'y a pas d'eau. Hein? C'est quand même rapide, hein? Mais non, mais ces pauvres femmes de quartier endurent leur mari, endurent leurs enfants, endurent leurs conditions, puis ils doivent le faire avec le sourire. Oui, parce qu'ils disent, ben ils se disent que pour eux, que pour elles, malheureusement, c'est ça la vie. Monsieur Gagné, pouvez-vous baisser le son? Je peux l'arrêter. Monsieur Gagné, là, je vous vois tourner en rond et vous semblez être tellement confondu, tellement à terre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, je voulais pas arrêter ma chanson comme ça, mais je suis bien heureux que vous interveniez. Parce que j'aime pas ça, ce qu'il joue. Ben oui, mais comment ça vous diffusez? Je suis trompé de disque. Oh! Est-ce que ça vous arrive souvent? Ben, trop. Trop souvent? OK. Non, mais vous avez droit à une autre chance. Oh, mon Dieu, vous êtes tellement gentil. Vous êtes animatrice? Ben non, c'est vous! Et vous, vous êtes la co-animatrice! Ben voyons donc, c'est qui que vous invitez? Ben c'est vous! Je me rappelle plus de ça. Ah, je sais. Je sais, c'est votre musique de drogué. Oh, mon Dieu. Thank you. Faut que je vous raconte une tranche de vie. Pour mon anniversaire, j'ai reçu des cartes cadeaux. Ah! Que c'est merveilleux, des cartes cadeaux. Ça, on donne ça à des gens qui ont tout, puis ou qu'on connaît pas trop l'individu, et puis on veut pas le décevoir, mais on sait qu'il aime certaines choses. Donc, on s'en va dans la carte cadeau pour qu'il puisse s'acheter ce qu'il désire. Eh bien, moi, comme j'aime bien les burgers, pas juste les burgers, vous savez que je suis un amateur de spaghettis. Hey, oui, j'aime ça, les spaghettis. Arrêtez d'en parler, là, vous le savez par cœur que j'aime ça, les spaghettis. Mais les burgers, après, avant d'aller travailler, ça me motive. Tu sais, pour le langage, ben, ça me fait mâcher dans la viande, puis dans le pain, puis dans le ketchup. Tu sais, ça me réchauffe la bouche. Et comme je me réchauffe, quand je me réchauffe la bouche, ben j'arrive au travail plus frais et disposé. Indisposé, très indisposé. Ah, surtout quand je prends une boisson gazeuse. Et puis, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est pas la boisson gazeuse. C'est que je reçois une carte cadeau d'un restaurant spécialisé dans les burgers. Pas mondialement connu. Bon, parce que je veux pas dire l'endroit, là, mais c'est l'ours, là. C'est là. Et puis, j'ai pas dit le nom. J'ai juste fait la chanson pour les gens qui ont des références. Pour les gens qui ont pas d'aucune... Il va dire... Qu'est-ce que c'est? C'est pas... Non, c'est pas ça, c'est... Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom Mince, mais large, qui va sous l'eau. En dessous du sable. Puis là, qui regarde sa proie. Là, à un moment donné, quand tu la vois, les yeux, ils grossissent, hein? Tu vois ça à travers le sort, mais la bébite, elle voit pas, là, la bébite qui nage, elle voit. Puis là, à un moment donné, il donne un coup d'aileron, prang, il va manger la bébite. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous pour relater l'histoire de mon burger. En fait, c'est plutôt la carte de 25$. Fait que j'arrive un bon mardi, quelques jours avant mon anniversaire. Non, c'est un cadeau que j'ai eu, donc c'est après mon anniversaire. Et je commande mon burger traditionnel avec des patates douces parce que leur spécialité, depuis qu'ils ont changé la recette des patates, c'est plus des patates. Ils sont moins bonnes, les patates ordinaires. Fait que eux autres utilisent patates maison, là, mais je préfère la patate douce. Donc, je commande burger, patates et puis boisson gazeuse. Moi, ma boisson gazeuse, c'est pas celle que tout le monde boit, là. Tu sais, c'est celle-là. Non, moi, je suis pas version pep. Je suis pas pep, moi. Comme disait la chanteuse... comment qu'elle s'appelle, non? Fréelle. Moi, c'est l'ancienne boisson où on plaçait à l'intérieur de la coco. De la noix de coco! Non, de la coco. La coco! La coco! Alors, il mettait des années 30 de la cocaïne à l'intérieur de ma boisson gazeuse préférée. Sachant très bien que j'allais adorer, non pas la cocaïne, mais cette boisson gazeuse-là, donc ils l'ont retirée. Mais j'en bois parce que c'est plus caramélisé. C'est plus caramélisé. Et quand on dit caramélisé, on dit sucré. Plus c'est sucré, plus Reynald est là. Mettez un tas de sucre, là, vous allez voir des tas de Reynald lapés ou sniffer du sucre. On aime ça, du sucre. Donc. Mais la cassonade, c'est encore meilleur. Sirop d'érable, ben là, on est dans le summum. On est dans le nirvana. Puis on écoute Kurt Cobain en fumant du sirop d'érable. Et puis, donc, j'arrive là. Hein? C'est madame, c'est la dame que je connais. Elle dit, bonjour, monsieur. Elle commence par monsieur au début. Ah, c'est pas ça. Non. Elle est intervenue après. Donc, c'est un jeune homme nouvellement arrivé depuis 3 mois. Donc, je donne mes précisions, là, burger. Et puis, avec patate, comme je vous ai dit, là. Oui, c'est ça, patate douce. Et on me dit le montant, là, c'est, puis avec un petit burger d'une autre sorte, là, avec pas de salade, puis pas de tomate, rien, un burger ordinaire. Là on m'a dit 11,59, présente ma carte, il dit « Oh, là, je vois son visage, j'ai dit « T'es pas habitué, hein? » Il dit « C'est bien rare que je fais ça. » Alors, il a mis du mauvais côté du lecteur. Qu'est-ce que ça fait? Tout ça a bloqué l'ordinateur, qui est la caisse. Donc là, il demande à la dame en question, qui me dit à chaque fois, « Bonjour, monsieur. » Elle dit, « Bonjour, monsieur. » J'ai dit, « Oui, mais malheureusement, je lui ai remis une carte cadeau. » Puis, « Ouais, OK. »« Ah, ben c'est pas comme ça. Tu l'as rentré en avant. Ah, à l'envers. Ah, mon Dieu, ça a bloqué. Là. Ah, on sait pas quoi. Appelle le gérant. » Mais le gérant est parti. « Ah, non. » Appelle-le au téléphone, là. Puis là, bon. Pendant ce temps-là, on transfère ma commande sur, il y a deux caisses, hein, sur la deuxième caisse, mais la caisse où j'étais, c'était la principale. Mais suivez-vous, là, OK? Alors, on s'en va dans sa deuxième caisse. Donc, toujours la même chose. Puis là, elle dit, là, vous ne pouvez pas payer avec la carte parce que de un, ça dit que ça ne fonctionne plus. Hein? Je dis, voyons donc, on m'a dit que c'était 25$ au début. Mais là, ah non, il y a un problème, là, je vous donne le reçu. Quand vous allez voir le gérant, vous lui relaterez le fait. Elle n'a pas dit ça de même, là, mais c'est moi. Là. Et puis, donc, là, je dis à ma commande, fait que je dis là, ce que j'avais acheté, puis bon, je paye en argent, je sors mon bill de 1000, tu sais. Hey, pas n'importe qui travaille à ses cohérents, je sors le 1000$, la madame, on n'a pas de change pour ça. Bon, descend de. J'enlève un zéro, 100$. Elle dit, on n'a pas de change pour un 100$. Mais voyons donc, c'est une entreprise de pauvres ici. Tu sais, je commence à être un peu audacieux. Après, tu sais, un peu pompé, là. Puis j'avais 20 minutes pour manger mon burger. Ça fait déjà 10 minutes que je suis à la caisse, là, tu sais. Je commence à avoir de l'écume dans la mouche. Et puis, j'y raconte. Et je dis, ben écoutez, on va vous donner un 20$ de pauvre. Elle dit, ouais, j'ai pas beaucoup de chance. Bien là, pas beaucoup de chance. J'ai 11$ et quelques sur 20$, madame. Elle dit, soyez pas impoli. Je suis pas impoli. Elle dit, je prends pas un air. Elle dit, faites-moi pas, je vous fais pas pleurer. Non, elle se met à broyer, c'est pas vrai. Ça, c'est cool. C'est pas vrai. Tout ça, c'est pas. Mais l'histoire, oui, mais j'ai pas donné 1000$. C'est dans l'histoire. Et puis, là, je donne 20$. Ça me donne le change. Et je prends mon cabaret, ma boisson garde. Puis là, je dis au garçon qui était vraiment là, les deux caisses étaient confiturées parce que la première, la principale, pouvait pas donner des informations à l'autre. Donc, ils ont essayé de fermer les deux caisses en même temps. Donc, les gens arrivaient pendant ce temps-là et puis ils pouvaient pas servir la clientèle à cause de ma carte. Alors là, je demande mon burger, ma petite patate douce, ma boisson gazeuse, m'en vais à ma table, m'installe, m'en va chercher du ketchup. Pas de ketchup. La distributrice m'en a donné que la moitié de mon gobelet. On va voir le monsieur. Le jeune homme. Je dis, monsieur jeune homme, il n'y a plus de ketchup. Il dit, ben, je peux-tu avoir des sachets? Oh oui. Là, je t'ai vu comme un emmerdeur, là. Il me donne 2-3 sachets. Merci, hein, bonne journée. Et puis là, je m'en vais à ma table, je regarde l'heure. Et il me restait 6 minutes pour manger un burger, une frite patate douce et une boisson gazeuse. L'autre burger, je l'ai amené pour mon repas du soir au travail. Donc, vous voulez savoir c'est quoi la c'est quoi? Pas la liaison, mais c'est quoi le but de l'histoire? Ben, c'est que j'ai confituré. Ah oui! Après avoir mangé ça en 7 minutes, je devais aller travailler. Il me restait 4 minutes pour me rendre. Puis en scooter, ça prend 5 minutes si je prends des lumières. Mais j'ai pris aucune lumière parce que, bon. La chance était de mon côté, même si j'y crois pas à la chance. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui me suivait. Là, je sais pas, un extraterrestre, un Elohim. L'Elohim m'a aidé dans ce chemin-là, puisque j'ai pris aucune lumière, je suis arrivé à l'heure au travail. Mais avant de sortir du restaurant, il y avait du monde à la caisse, c'était épouvantable. Les trois caissières et caissiers tourner autour. Là, ouais, il y en a un qui a pris un client qui a pris les nerfs en disant, écoutez, ça fait longtemps que mon burger est là, il est en train de passer il est en train de mariner. Elle dit, non, il est en dessous des lumières, ça réchauffe, faites-vous-en pas, monsieur, votre burger va être très bon. En m'en allant, je me suis rendu compte que j'ai créé, moi, Rénal Gagné, qui veut passer tout le temps anonyme. J'ai créé. Chiffle-moi, Gilles. D'accord, et après ça, je t'aime, trêve, banalité. Prends-moi, rêve. Déjà fait 100 fois, tu m'aimeras, rêve. D'accord, mais pas sans toi. Reviens, va-t'en. Ah, ça y est, on se comprend. Quitte-moi, mon amour. Moins tu m'aimes, plus je te cours. Quitte-moi pour toujours. Si tu m'aimes et j'ai un cours. C'est la loi des amours passionnels. C'est la loi, c'est quoi ça, les amours passionnels? Reviens enfin, pourquoi faire ou ça dans nos bras de fer? Car si t'étais malin, tu pigeras, chut. Signe de c'est que ça, après la lutte, peut-être on se réveillera tous les deux, ouais. Non, pas tant que ça. Quitte-moi, mon amour. Moins tu m'aimes, plus je te cours. Quitte-moi pour toujours. Si tu m'aimes et j'ai un cours. C'est la loi des amours passionnels. C'est la loi, c'est quoi ça, les amours passionnels? Maintenant, maintenant, comme des bêtes, comme des bêtes. Maintenant, maintenant, viens on s'en mêle. Maintenant, fais-moi maintenant rougir, pâlir, rugir de plaisir. Fini ton tour, ma neige est par toi, mais mon amour, et après où on va? Si tu pouvais taire une bonne fois, c'est ton rêve contre le mien, mais viens là. C'est maintenant dans mes bras, si tu l'oses, montre-toi. Arrive, viens. C'est la loi, c'est la loi des amours passionnels. C'est la loi, c'est quoi ça, les amours passionnels? C'est la loi, c'est la loi des amours passionnels. C'est la loi, c'est quoi ça, les amours passionnels? Unis comme une chaîne, nos deux âmes chiennes. Vite avant qu'on s'endort, bien chéri, on s'adore. Aujourd'hui, le lundi. Alors, je voulais être certain que la chanson soit terminée. Ça, c'est pour respecter, bien sûr, les musiciens et les musiciennes. Puis là, on sent qu'il y avait encore quelque chose, hein? Une résistance sonore. On aime ça! On aime ça parcourir d'autres sentiers près du ruisseau ou ailleurs. Et vérifier si tout est comme c'était avant. C'est ça, les nostalgiques. Hey, on a eu du plaisir, ma belle Raymond, en 1992. On écoutait C'est quoi réel. C'était beau, c'est quoi, c'est encore quoi. C'était très beau, c'est quoi réel, les émissions, c'est quoi. On marchait ensemble, main dans la main. Sur les plaines d'Abraham, voyons, d'Abraham, pas Lincoln, mais d'Abraham, les plaines d'Abraham. Et qu'on aimait ça, c'est cohérent, les plaines d'Abraham, amoureux, on s'embrassait, on met dans la main, oui. Oh, oui. Et puis quoi? Ah non, non, et plus rien, c'était merveilleux, moi, et puis pour ça, on veut recréer ça le plus souvent possible. Là, on n'est plus, c'est plus sur les plaines d'Abraham. Non, on se promène. Un peu partout. Ailleurs. Depuis C'est cohérent, on n'est plus à Québec. On écoute sur les internets. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge. On est en balado-diffusion. Histoire de se remémorer les beaux moments où on était à Québec. Ça sert à ça, la balado-diffusion, mes amis. Pour rester ancré dans un lieu qui nous a plu. Aujourd'hui, le lundi 26 août 2019, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Ah, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Et il y a, j'ai une professeure de français qui m'a dit, j'aime bien quand vous dites gestionnaire. Tu sais, quand je fais, oublions les embarras, apaisons la dure réalité qui attend nos objectifs. Aujourd'hui, on va la refaire, OK? Puis je vais vous dire à quel endroit qu'elle aime bien. Lorsque je fais l'âge. Donc, aujourd'hui, le lundi 26 août 2019, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole, c'est là, au gestionnaire. Elle aime bien quand elle dit gestionnaire. Des fois, c'est des petites. C'est des petites tics que l'animateur utilise, hein, gestionnaire, j'aime ça. On dirait que ça met dans un horizon, puis à un moment donné, je plonge à l'intérieur de l'horizon pour remonter vers cet horizon. Je voulais pas dire horizon trois fois, là, je suis rendu à quatre fois. Alors, oublions de... Bref, abaisons les... Oui, vous voulez que je le refasse? Non, non, non. Oublions les amours familiales. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous pour la deuxième semaine et la dernière. Il y a des moments difficiles dans la vie, surtout les dernières. Moi, c'est le début, ça va. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, ça va. Ah, bonjour! Puis là, on se serre, là, on s'embrasse, puis on se french, puis baiser français, puis on se lèche partout. On est comme ça, hein? On est heureux d'encontrer Gaétan Brisebois pour la deuxième fois de notre vie, là. Puis surtout, je sais pas son parfum. Elle a un parfum de canari mélangé à des, je sais pas, à... C'est indéterminé. Avez-vous déjà senti le canari? Le canari flambé aux framboises? Elle sent plus le canari que la framboise. Hein. Parce qu'elle n'a pas flambé assez longtemps son canari. Depuis ce temps-là, elle ne rit plus. Ah, oh, mon Dieu, elle rentre canadienne, elle fait juste... Tu sais, elle fait des... Elle ne rit plus, elle a des spasmes. J'ai dit, ma belle, ma chérie... On se connaît pas vraiment, là, mais on essaie de faire ça rapide. Puis elle a dit, faut prendre notre temps. Ben oui, mais il y a juste une vie, notre temps. Sinon, on va voir ailleurs, là. Elle dit, ben c'est ça qui va arriver. OK, bye bye, à la prochaine. Là, elle revient, tu sais, c'est comme l'élastique, là, ça revient tout le temps. Oh! Alors, pour la dernière fois, des deux rencontres, nous allons... Terminé. Mais hey, on a eu du plaisir la semaine dernière, là. C'était la bande-son que vous savez. Ça continue encore ce soir. Avec mon invité. Celle qui aime l'improvisation, là. Sophie Maes. Là, son intérêt, elle. Ben, elle se fait appeler aussi. C'est quoi l'autre grande Sophie ou la presque grande Sophie. Voilà. La presque grande Sophie. La première fois que je l'ai vue. Ça fait quelques années, ça fait 7 ans. J'étais assis. Puis je l'avais déjà vu sur des photos, là. Mais j'étais assis et quand je me suis dit salut, bonjour Reynald. Alors je me retourne. Elle était à ma hauteur. J'étais assis. La presque grande Sophie, la gag était bon, s'il vous plaît. Oh! Puis, hey, moi, là. Je trouve sincèrement que son amoureux est chanceux de l'avoir. Lorsqu'il danse les slows avec elle, là, elle peut mon amour et ami. Elle peut lui lécher le nombril. Oh! Lui, un nettoyage de nombril pendant un slow de Joe Dassin. Si ce soir on dansait le dernier slow. Depuis qu'elle a ce chum-là, ce gars-là a jamais eu le nombril aussi propre. Quel belle. C'est un mec, là. Qui doit vivre des expériences extraordinaires avec Sophie. Je te le dis. Puis la suite, là, de cette rencontre de la semaine dernière, c'est là, maintenant. Vous me croyez pas? Après la musique, là, nous allons l'entendre. Malheureusement, c'est avec moi. Ça, c'est le prix de consolation, c'est Reynald Gagné. Mais... Le bijou, la pierre précieuse, ben c'est Sophie Maes. Bonne écoute. If you're going to San Francisco. San Francisco. to San Francisco. Ah ouais, ouais, où ils sont à vérifier. Nya, nya, nya, nya. On a 32,7% de femmes pour ce poste, alors qu'il y en a 33,1%. J'ai pas envie de faire forcément ce que les hommes font, tu vois. Ça me parle pas, moi. C'est ce que les hommes font, c'est leur vie. Oui, s'il y a des femmes qui ont envie d'aller à l'armée, s'il y a des femmes qui ont envie d'occuper de tel poste, qui ont envie de conduire des camions, mais ouais, super. Mais on n'est pas obligé de faire tout ce que les hommes font, quoi. La preuve, ça conduit à quoi ? À faire que maintenant les femmes fument autant que les hommes, boivent autant que les hommes. Est-ce que c'est une évolution, ça ? Ouais. Je vois. Tu sais que quand on s'est rencontrés il y a 7 ans, il n'y avait pas ces 10 questions de la fin. Et maintenant, j'ai 10 questions à te poser. Ah, c'est quoi les 10 questions de la fin ? On va commencer une à la fois. Okay? Eh bien, c'est mieux pour comprendre. Oui, exactement. Quoique ça fait peut-être une bonne... Si tu étais un liquide. Un liquide ? Je serais... Je serais un liquide enivrant. Ouais, je serais un liquide enivrant qui ferait perdre la tête. Lequel ? Ah, je pense à un truc un peu pétillant. Je serais une sorte de champagne, un truc frais, pétillant, mais au bout d'un moment, qui te fait tourner la tête ? La veuve Clicquot. Ouais. Bon champagne. Allez, bon champagne, pourquoi pas. Hey. Ouais, la veuve Clicquot, allez. Si tu étais une ville. Une ville ? Attends, tu peux avant. Est-ce que tu bois beaucoup ? Non. Okay. Franchement, non. Je bois que déjà accompagné. Sinon, okay. Ça s'appelle de l'alcoolisme. Ouais, mais si tu prends une bière seule chez toi, ça... Ouais. Mais une femme, pourquoi c'est une encore... Femme? Ouais, mais t'es toute seule à te voir boire. Tu dis, moi, je suis une femme, je peux pas boire ma bière. Non, mais pourquoi une femme aurait envie de boire des bières comme les hommes? Une femme peut se contenter d'un petit kir, d'un petit truc, un petit panaché, d'un petit... Ouais, si elle a envie, elle peut boire une bière, oui. Ouais. Qu'est-ce que je... À quelle ville? Alors, on revient... Non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la bière réglementaire. Tu vois, des bières épicées, tu as de la bière aux agrumes, tu as de la bière fruitée, tu as de la acidulée. Il n'y a pas juste la bière, la 1664, c'est d'autres... Non, il y en a plein maintenant. Même la vodka, il la parfume. Oui, à la vodka, moi, parce que moi, j'en fais de la bière. C'est vrai? Oui. C'est un brasseur? Un brasseur. Hey! Attends, je n'ai pas répondu à ma deuxième question. La ville. Mais c'est ça, je reviens. Ah, d'accord. Si tu étais une ville. Non, je n'ai pas terminé. À la ville. Je serais une ville du... Attends, est-ce que je serais une ville du sud? Je pense que oui. Je serais peut-être mon village, en fait. Le village où j'habite. Je ne peux pas dire, j'y suis née, je suis parisienne, je suis née à Paris. Mais depuis que j'ai 6 ans, j'habite dans un petit village de Seine-et-Marne. Ben, tu es restée là il y a 7 ans? J'étais là. Oui. Ouais, j'étais partie et je suis revenue en fait dans ce village-là. Parce que moi je suis convaincue qu'il y a un endroit où tu sens que tu appartiens en fait. Pardon? Où tu sens que tu appartiens en fait. Ok. Je sais pas, des villes, des villages, un endroit où tu te sens bien, où tu te sens chez toi. Et moi c'est ce village-là. Maintenant si j'étais une ville, je serais une ville du sud. Peut-être... Je sais pas, Perpignan, Montpellier, ce genre de ville là, tu vois. Ou alors une ville comme Collioure, j'aime beaucoup Collioure, c'est aussi pareil vers Perpignan, j'aime beaucoup cette ville là. Ça serait une ville du sud. Lorsque tu prends des vacances, est-ce que tu sors de Paris, est-ce que tu veux visiter d'autres... Là, par exemple, je vais bientôt à Avignon, au festival. C'est déjà commencé. Le festival OFF, ça commence le 6, le OFF, officiellement. Avignon, après ça, il y a le off. Tout à fait. Okay. Donc, le in a commencé, le off commence le 6 jusqu'au 31. Tu vas jouer? Non, j'y vais là en spectatrice cette année. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Il vaut mieux avoir une prod pour aller là-bas, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Parce que tu payes le théâtre. Expo, tu payes le théâtre, tu payes, il faut te loger. Voilà, il faut vraiment communiquer. Donc, tu payes tes flyers, tu payes des affiches. Au bout de la route, là, tu fais quoi de mon petit scène? Ah non, si tu rentres dans tes frais, t'es content. Mais c'est rare, très, très rare. C'est très, très rare. C'est une minorité. C'est très, très rare. Donc, je vais aller à Avignon. Je vais aller à Malaga en Espagne, je vais aller découvrir l'Espagne aussi. Tu prends quoi, 2 semaines, 3 semaines de vacances? Je vais prendre au total, ça fera 2 semaines et demie, un truc comme ça. Tu voyages pas mal? Ouais, ça va. Là, cette année, ouais. Mais j'ai bossé comme une tarée pendant 5-6 ans, on va dire. Et j'étais vraiment arrivée à la limite du burn-out. Alors là, tu as besoin de... Là, j'ai besoin de... Parce que je me rends compte, je me dis que t'es plus créative, en fait, quand tu fais boulot. T'es créative et t'as plus autant de plaisir en fait à monter sur scène. Donc là, je prends le temps, plus de temps pour moi, le temps d'abandonner malheureusement aussi les projets, mais pour arriver, pour aller mieux les reprendre par la suite. Ouais. Avec une diversité plus énergique. Ouais, exactement. Pour avoir l'esprit. Exactement. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue. Écoute, je pense que je serais la vôtre. Ah oui. Je pense que le québécois, c'est... Avec des québécismes. Mais c'est juste... Bah, c'est très dur de vous dire comment nous on ressent, parce que vous êtes plus francophone que nous. Ah oui, mais parce que nous, on c'est est fou, noyés... Quoi. Ben non, on est noyés par l'Amérique. Bien sûr. Par les États-Unis. Nous sommes des États-Uniens. On n'est pas des États-Uniens, mais on est des Américains. Ouais. Québécois francophones. C'est seulement au Québec qu'on retrouve des arrêts stop. On a enlevé le mot stop et on a mis des arrêts. Le ça, c'est, stop, c'est, on a enlevé le stop. C'est génial. Enfin, ouais. Tout, il y a plein d'exemples comme ça. Ouais. Et donc, je pense que je serai la vôtre. Vraiment, carrément. Ah ouais. Parce qu'il y a des expressions tellement imagées. Et il y a de temps en temps, même dans la prod, tu sais, je pars dans des accents. Ouais. Ben, il y a une expression au Québec, là, quand on veut dire à quelqu'un, assis-toi, on dit tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Il y a parce plein qu'à l'époque, de choses. C'était, ouais, ben, à l'époque, c'était des cabanes, puis on était assis sur des bûches, donc tire-toi une bûche. Si tu veux mettre ça dans une improvisation, on va dire, tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. C'est ça. Là, la personne dans l'improvisation va chercher ça, c'est quoi? Si tu étais une époque? Une époque? Oh, les années 60. Ah oui? Oh, mon Dieu! Pour le yéyé? Les années 60. Mais je pense qu'ils... Enfin, si, là nos parents se rendent compte qu'ils ont vécu, vraiment. Ouais. C'est, ça faisait ben partie... Moi, je suis né en 67, donc je l'ai... Ouais, mais toi, t'es né presque vers la fin des 30 Glorieuses. Oui. Mais c'est juste incroyable, cette histoire. Oui. C'est... Moi, j'aurais connu les Beatles à l'époque, mais je les aurais capturés, je les aurais enfermés dans une pièce, je les aurais gardés pour moi. Lequel? Non, mais c'est l'ensemble qui faisait les Beatles. Non, mais tu as juste un fauteuil que tu dois en installer un, ce serait qui? Ah, ben, j'hésite entre Cartney et Lennon quand même, parce que... Oui, mais c'est les deux. Lennon, je pense qu'il était très, très difficile à gérer. Cartney a le côté un peu plus sociable, peut-être, mais... Alors, ce serait lui, McCartney. Lennon pour le côté torturé, McCartney pour le côté un peu plus social. Relax, années 60. Ouais, mais les années 60, mon Dieu, mais c'était juste des pour la musique, incroyables. Pour le cinéma, pour tout. Tout était possible. Et justement, dans la pièce qu'on est en train de d'écrire avec mon ami, le challenge là, c'est de faire en fait une sorte de Forrest Gump théâtral. As-tu vu ce film? Ben oui, qui ne l'a pas vu. Il y en a encore qui ne l'ont pas vu. Ouais, bon. Ce film-là, je l'ai encore revu, on l'a revu ensemble hier pour vraiment s'imprégner. Je trouve qu'il est magnifiquement construit, avec une image, mais tout à fait... Léchée. Ouais, une image en plus qui est honnête de ces années-là, de l'Amérique, avec ces deux parcours complètement différents. Celui qui a la naïveté de dire « on me dit de faire ça, je le fais ». Et c'est mon pays, on dit cours Forrest, cours, et ben je cours. Et une autre qui ne fait qu'en fait, ben, son amie Jenny, qui subit plus les événements en fait. Et qui s'arrête sur son enfance, qui l'a bousillée du coup. Quand et à la fin. Elle arrive sur scène avec sa guitare menue. Voilà par exemple, où elle veut juste être artiste, mais voilà. Elle pas ce point-là. Mais voilà, pas de ce côté-là. Et il se rend compte toujours, il est toujours là pour lui venir, il la défendra tout le temps. Mais à sa manière. À sa manière. Et puis voilà, c'est surtout ces deux chemins de vie qui fait que à ton enfance, t'as un gros handicap, t'as ce Forrest-là, qui peut dire que s'il n'avait pas sa mère qui était battue, il ne serait même pas allé à l'école, même pas à l'université. Et lui, il est là, il a une mère qui s'est battue. Certes, il a un handicap, mais qu'il a tourné en... Voilà, du coup, son handicap à l'armée... Il ne sait pas qu'il est handicapé. Il ne sait pas, il ignore, c'est ces côtés-là. Et moi, j'ai eu vraiment des parents qui ont fait tout depuis que je, pour me dire, mais t'es pas différente, arrête avec ça, t'es pas différente. Oui, t'es petite, oui, t'es ça, oui, bla, bla, bla, bla, mais t'es pas différente, tu vois. Donc du coup, t'as ce côté-là, moi je me sens un peu Forrest Gump dans l'âme, et t'as des gens qui à la limite ont tout pour vraiment réussir dans la vie. Cette génie-là, elle est magnifique, c'est une belle fille, elle a du talent, elle est intelligente. En même temps, ça montre la défaite états-unienne, la défaite des rêves états-unis. Exactement. Le rêve américain qui en fait est déchu. Voilà, avec du coup, qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Vietnam? Qu'est-ce qu'ils sont allés s'embourber là-bas? Tout à fait. Donc du coup, La bande sonore est hallucinante, le double album, je l'ai. C'est juste tout ce qu'il y a de meilleur des 60 et même de tout. Je suis très nostalgique de ça, tu vois. Quand t'entends ces sons-là, par exemple, If you're going to San Francisco. Midnight Cowboy, j'adore. Exceptionnel. J'adore. As-tu vu Midnight Cowboy? Il y a aussi ça, ouais, cette bande-son. Et... Le film Midnight Cowboy. Non, j'ai pas vu entièrement non plus. Ah oui, la fin. Donc tu vois, ça serait ces années-là. Ah, et on est en train d'essayer de travailler. Là, ces versions, là, tu m'en parles, là, puis je suis dans une vibration nostalgique. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Ah oui, complètement. Mais maintenant, c'est à nous de les ramener, ces années. Si tu veux, la grosse différence, parce qu'on a travaillé justement sur le sens, depuis hier, on est dessus avec mon ami, En fait, de retravailler sur la grosse différence qu'on fait à cette époque, telle que même la France évoluait à cette époque, c'était « mais on est sûr que le meilleur est à venir ouais. ». Les parents ne se posaient pas de questions ouais. pour leur enfant. On est sûr, eux, ils vont vivre mieux que nous et le meilleur est à venir. Et voilà, société de consommation, les technologies, ça a fusé. Et là, c'est complètement différent, c'est que les parents craignent pour leur enfant. Ouais. Dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir ? Comment ils vont pouvoir s'en tirer ? Sophie, tu viens c'est de énorme. Me faire, j'ai une idée extraordinaire. Ah. Durant les deux émissions que je te consacre, on va entendre la bande sonore de Forrest Gump. Génial! Okay, ah, génial! Excellent! Ah, ça va être merveilleux! Et donc, on veut faire un Forrest Gump? Parce que j'adore! C'est le Forrest Gump théâtral, on va essayer de voir voilà, ces deux amis parallèles, ces deux destins, avec voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos vies, on se retrouve à des moments qui aident l'autre. Il y a un film québécois qui s'appelle La quarantaine. La quarantaine? Oui, c'est Marie-Claire Poirier qui l'a réalisé, une femme. Et c'est des jeunes étudiants de 17-18 ans qui prennent un coffre et laissent des idées de ce qui serait 40 ans plus tard. D'accord. Ils se retrouvent 40 ans plus tard, ils ouvrent ça et que nous sommes... Nous en sommes rendus où dans notre ouais, chemin? Exactement. Avons-nous suivi notre parchemin? On s'était promis d'être telle personne dans notre vie. C'est tellement beau ça. Il y en a ouais. un qui est alcoolique là-dedans, il y en a un qui se suicide. Pendant cette rencontre-là, c'est incroyable. Non, nous, on veut juste que ça puisse à de l'espoir. Ah oui, non, mais je te dis, là, ça me fait penser à ces choses-là. Parce que quand tu regardes, oui, Forrest Gump, la fin est triste, mais finalement, elle trouve sa paix intérieure. Lieutenant Dan, il trouve sa paix intérieure aussi, ouais. de façon différente. Ouais. Lui, du coup, il se marie, il retrouve ses deux jambes, bon, mécanique, certes. Elle, après avoir fait des excès de drogue, etc., ben, elle va faire, malgré lui, elle va faire un enfant avec lui parce qu'elle sait que ça va être cet homme-là, Forrest. C'est le meilleur qu'elle en elle, en fait, ce Forrest. Elle s'en rend compte. Donc, du coup, de faire un enfant avec lui, c'est ce qu'elle peut faire de mieux. Et elle sait qu'il s'en occupera et il sera le meilleur des papas. Donc, du coup, ça se finit finalement, même tristement, mais bien. Ouais. Voilà. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de suite. Ah, il manquerait plus qu'ils en fassent non, une. Non, non, oh non, là non, là. Si tu étais un mot. Ce serait clairement. Parce que je le dis souvent. Clairement? Non, tu ne l'as pas dit. Ouais. Non, on va dire à nos auditeurs de compter combien de fois tu as dit clairement, tu ne l'as pas dit une fois. Non, je n'ai pas dit. Non, mais dans mon émission, on m'a fait remarquer que j'avais un tic oratoire, c'était ça. Ah, mais peut-être ça, parce que je travaille. Non, c'est parce que quand tu es en onde, tu vois le micro et il y a des tics nerveux qui nous arrivent. Oui, oui, oui. Parce ouais. qu'en dehors du micro, il y a des mots qu'on ne dira jamais. On ne l'a pas. Mais souvent, quand tu es devant le micro, tu réfléchis à ce que tu dis, puis tu dis, ah, ben il me semble que ça fait trois fois que je viens de dire, ouais. bon, parce que... Oui, exactement. Ah. Et clairement, pourquoi? Parce que j'ai besoin de clarté, et j'aime pas quand on n'est pas clair. Voilà, clairement, c'est une façon aussi de dire, mais oui, bien sûr, évidemment, clairement. Alors, oh là, faut pas qu'il y ait d'embrouille, il faut pas qu'il y ait d'embrouille, il faut que ce soit clair et précis. Voilà, exactement. Si tu étais un aliment... Un animal? Non, un aliment. Un aliment, pardon. Un aliment, je serais... Qu'est-ce que je mange souvent, tiens? Ah, c'est compliqué, je suis tellement... Je suis pas gourmande, mais je suis gourmette. Je serais un légume, mais je serais un truc simple. Un légume, tu vois, qui fait du bien à l'organisme, que tu peux faire en gratin, que tu peux faire griller, que tu peux faire... J'aime bien les choses simples. Okay. Tu me proposes entre, je sais pas, moi, entre de la viande rouge, steak frites, machin... Ou un gratin de légumes, un truc super bon avec une... Ben, je choisis le gratin de légumes sans problème. Et tu es végétarien? Je tends à le devenir. Mais voilà, la viande blanche, des fois, du poulet et tout, je ne sais pas, non. Mais de mieux en mieux. De toute façon, on va être bientôt 10 milliards sur Terre. On ne pourra pas donner de la viande à tout le monde, c'est évident. Donc du coup, il va falloir aussi qu'on revoie un peu nos... Encore là-dessus. Ouais. Qu'on réfléchisse. Ah, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Mmh. Si tu étais une saison... Je serai le printemps. Ah oui. Parce que c'est la renaissance, parce que c'est la saison dans laquelle je fête mon anniversaire. Ah oui, parce que c'est aussi. Le renouveau. Ouais. Moi. Mais oui, j'ai vu qu'on n'était pas loin. Mais toi, c'est le 4. Non, moi, c'est mai. C'est le 27 mai. Moi, c'est le 2. Donc, on est premier décan, tous les deux. Gémeaux. Gémeaux, premier décan. Le, le meilleur signe. Oh, oui, mais est-ce que tu trouves que cette année, c'est une bonne année pour toi? Ouais. Ah, pas moi. Ah bon? Moi, c'est de la merde. Ah bon? Ma blonde est morte le 2 juin. Oh non! Cette année. Ma mère va mourir là, dans quelques jours. Oh c'est non! C'est épouvantable. C'est une année de merde. Aïe, aïe, aïe. Une année de merde. Vraiment, là. Mais il y a des années comme ça de... Il y a des années... J'en ai connu hein, des années vraiment, oui. Vraiment très, très mais noires. Vrai. Mais ouais, mais tu sais, dis-toi qu'après après la pluie, il y a le beau temps. Et non, mais c'est pas que nous qui. C'est, ça peut paraître tout bête, mais c'est la nature qui nous donne aussi ce. Et la nature se trompe jamais. Donc après la pluie, tu passes par l'hiver qui est long, tu passes par des années de merde. À quelle année? Mais je veux pas savoir. Oh, ben oui, je vais savoir ton nom si tu viens. Non, mais moi, vraiment... je suis en 67. Moi, je suis en 70. Ah, 3 ans différents. Ouais, ah, 3 ans différents. Mais non, il y a des années, ouais, il y a des années. Catastrophique. On dirait qu'on te suit par le doigt. Tu marches, puis il y a un doigt qui te suit. C'est fou, ouais. Mais dis-toi que tu payes des bonheurs futurs. Sans doute. Dis-toi. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Un membre, alors il faut que ça soit un membre, pas une partie du corps. Hein. Oui, comme tu veux. On a le membre élastique chez nous. Je serais... Ah, je serais les jambes quand même. Pourquoi? Ben parce que ça te permet d'avancer. Les jambes te permettent d'être dans la vie, dans le mouvement. C'est important. Ah oui, oui. Et surtout d'avancer. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Certainement pas le matin. Mon Dieu, que je déteste le matin. Ah, t'es pas une fille du matin les spectacles, c'est le soir, donc vous couchez très tard. Ah, ouais, ben, à un moment de la journée, ça sera à partir de 22h, là. Oh! Ah, ouais. Moi, je me couche tard, hein, jusqu'à 3-4 heures du matin, à peu près. Puis ton travail, c'est. Ouais, ben, j'ai des horaires variables, donc. Est-ce que tu te lèves tôt pour aller travailler? Ça m'arrive quand je suis du matin. Mais moi, je suis plutôt un oiseau de nuit, ouais. Ok, c'est plus facile pour toi, c'est là que la créativité commence. Ouais, t'es au calme, t'es pas embêté par l'activité du monde. La nuit t'appartient. Je sais pas si... Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui commence... C'est tout début de l'album, son album... Non homologué. Non, c'est tout début de son album en live qui s'appelle de... Du gris au... du noir au gris. Non, au Zénith. Ah. C'est pas du Bataclan au Zénith, enfin bref. D'un album live. Et ça, c'est qui ça, de Goldman? Ouais. Goldman, Frédéric Goldman, c'est Joe. Ok, quand il était en trio. Okay. Exactement. Et il commence ce live-là avec une chanson qui s'appelle Veillez tard. Et je me reconnais beaucoup dans cette chanson. C'est toutes ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard, en fait. Ok. Ouais. Et tu sens à l'aise avec le fait quand la noirceur commence c'est à... C'est ça. Si tu étais un autre individu... Un autre... Connu ou pas connu? N'importe quel. Ça peut être ton père. Je serais... Ah, c'est compliqué, Sadia. Parce que, est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un d'autre que moi? Alors, je serais peut-être curieusement mon frère. Oh, frère plus vieux que jeune? Non, plus jeune, il est de 76, Sébastien. Oh, vous savez... Donc, quand même, ouais, il y a presque une génération de différence. Oui. Love is but a song we sing. Fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. Some may come and some may go, he will surely pay his. When the one that left us, yeah, turns for us at last. We are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people, now smile. Try to love one another right now. Parce que pour moi, il a toujours été gamine, il a toujours été mon équilibre. C'est-à-dire, toujours été un gamin calme, toujours été adorable, mignon, etc. Après, il a toujours adolescence calme, ça a toujours été un créatif, il a un humour que moi, je lui envie. Mais il a... Alors, il est dans la publicité, il est média planeur, en fait. Donc, du coup, c'est lui qui prend des grands comptes publicitaires, justement, sous sa responsabilité et qui propose des plans médias. De telle date, ou pour tel produit, ça serait plus du plan radio, ça serait plus de telle période à telle. Voilà. Donc, c'est tout un plan média à réfléchir qu'il propose à des grosses boîtes. C'est intéressant, ça. Ouais, il a eu des gros comptes comme L'Oréal, etc. Quoi. Enfin, là, il a changé, il est plus dans le domaine du luxe, qu'il ne connaissait pas du tout, donc c'est encore plus compliqué. Mais pour moi, j'adore sa répartie. J'adore. Ah ouais, j'adore. Il est rigolo, il est gentil. Il est en 92. Il est pas très loin. Mais la chose de la vie, tu sais que, je sais pas si t'as remarqué, mais à Paris, tu peux être t'es à Paris, il y a pas de souci. Mais tu peux passer des mois à ne pas te voir, parce que c'est tellement compliqué. Lui est dans le 92, moi je suis dans le 77. Mais voilà. Mais quand vous rencontrez, c'est. On s'est dit, ah là là, il faut traverser le périph'. Ah ouais. Oh là là, là, il y a les embouteillages et tout. Ce qui fait que tu peux te voir aussi peu que si tu étais en province, quoi, en fait. C'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Donc voilà, ce qui fait qu'on ne se voit pas si souvent que ça. Ok, puis ton frère, tu ne le vois jamais assez souvent. Non, même si on a des choix de vie complètement différents, Ben voilà, je l'admire, je trouve rigolo, j'aime beaucoup, il est gentil, il est créatif. Voilà, je serai mon frère. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Non, ça sert à quoi de regretter? Non, non, il y a des choses que je ferais peut-être plus tôt. Plus tôt dans ma vie, ouais. Ouais, mais plutôt pas le chien de Mickey, bien sûr. Ouais. Mais hey, on peut s'amuser avant de se quitter. On s'est rencontrés il y a 7 ans et maintenant tu es rendu où tu es rendu, c'est-à-dire avec une progression. Tu te vois comment dans si on se revoit 7 ans plus tard? Ah ouais, ça c'est intéressant. Alors je t'explique, j'aurai ma boîte de prod, okay. J'aurai mon théâtre à moi. Lucidement. Non, dans 7 ans, je pense que j'aurai lancé mon deuxième, peut-être voir mon troisième one, donc des choses différentes à dire. Je suis sérieuse quand je dis que j'aurai peut-être mon propre lieu, okay. Parce que moi c'est vraiment un de mes projets de gérer une salle culturelle, ouais, une salle de spectacle. De pouvoir donner la liberté, tu vois, de parole à des artistes, de tout horizon que ce soit. Hein. Donc ça me botterait bien. Toujours évoluer dans l'improvisation, comme je te dis, je suis piquée, quoi. Je suis shootée à l'impro. J'ai une super prof et donc du coup elle nous a donné des très bonnes bases et j'adore. Et hey, je serais peut-être mariée d'ici là. Ah oui? Ouais. Ok. Allez. Mais est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un ou... Alors, je suis très quelqu'un très compliqué et dans ma tête, il y a beaucoup de barrières qu'il faut que je me lève. Parce que je suis encore dans l'histoire de me dire il va falloir que ce soit quelqu'un de très, très fort. Physiquement ou quelqu'un de très fort pour vivre avec moi. Intellectuellement. Pour si et ça, ouais, pour supporter plein de choses, pour qu'on se comprenne, pour aller dans un sens, pour s'apporter des choses. Pourquoi tu veux te marier? Mais parce que c'est quand même... C'est archaïque, le mariage. Mais, alors, qu'on soit clair, archaïque dans le sens où les papiers et tout, ça sert que administrativement, c'est pas ça mon but. Moi, je trouve rien d'archaïque d'aller faire un sacrement pour dire oui devant une force divine qu'on appelle Dieu. Okay, t'es croyant, c'est ça, moi, je pense que tout le monde doit faire son chemin spirituel. Okay. Je déteste les gens qui croient avoir une vérité, qui prêchent, qui t'obligent, qui disent si, c'est ça. Non, moi, c'est un chemin, je me suis fait baptiser à 33 ans, tu vois. Donc, c'est vraiment un chemin de vie, des questions. Moi, c'est l'inverse, à 18 ans, j'ai décidé comme cadeau d'en faire. Ah, mais tu vois, parce que c'est un chemin différent, là, à la fois. Et donc, du coup, des questions que tu te poses à un moment de ta vie, des personnes que tu rencontres. Voilà, donc du coup, moi, ce qui m'intéresserait, c'est devant une force, tu vois, que tu l'appelles comme tu veux, de dire oui, je m'engage, c'est la bonne, on s'est rencontrés, on a un autre bout de chemin dans la vie à faire. Mais cet homme-là, ce que tu l'as rencontré? Non, mais j'ai une idée précise. Ah, oh, ok. Idée précise, d'accord. Non, je pense pas qu'il le sache. Mais c'est tellement compliqué parce qu'en fait, ton prince charmant, et c'est ça que plus t'as dans la vie, ton prince charmant, ta princesse, ressemble jamais à ce que tu te fais comme image. Vrai ou faux? Ah, oh, oui. Mais est-ce qu'il existe ou si c'est celui que t'as dans tes deux oreilles? Ben, j'espère qu'il existe. Ça serait triste. Non, mais tu le connais. Ah, est-ce qu'il existe? Oui. Parce que c'est un idéal que tu présentes. Oui, bien sûr. Oui, c'est mon idéal, mais je pense que je ne suis pas loin de le rencontrer là. Alors, dans 7 ans, tu seras mariée, oui. Allez. Et des enfants? Allez. Oui. Les siens, peut-être. Ah, ouais, mais ouais, c'est vrai qu'à nos âges, on prend toujours l'arrière-âge. Je prendrais le package. Ah, oui. Tu sais? OK. Donc, mais toi, pas d'enfants? Non, je pense que j'ai mon neveu et ma nièce qui m'ont apporté vraiment la même joie que. Non, j'ai pas souffert, c'est ma soeur qui a souffert pour moi. Ah oui. Mais voilà, donc allez, c'est un beau programme déjà pour cette année. Oui, ben là, trois one-man shows, des enfants du monsieur, le monsieur lui-même, et quoi? L'impro, et puis alors, ouais. Encore avoir autant de projets dans ma vie, quoi. Est-ce que tu... Pourquoi la venue d'un moment donné où tu vas abandonner ton travail chez Disneyland? En tout cas, je pense que ça va être une nécessité à un moment en termes de Ben oui, t'as que 24 heures hein, dans une... À moins... C'est ça que je te disais depuis tantôt, comment tu fais pour trouver les moments pour... Ah mais pour l'instant, ça, j'ai toujours fait en sorte que ça colle, tu vois. C'est peut-être que le jour où tu auras ta... une petite salle de spectacle, c'est là que ça va se décider. Ah oui, oui, mais figure-toi que j'ai eu l'opportunité cette année. Ça s'est pas fait, mais on m'a proposé de racheter une salle de spectacle. Je suis même allée voir. Je suis même... Ah oui, tout près. Sais. Tout près. Oui, tu as déjà été sur scène de cet endroit-là? OK. Ouais. Et donc, du coup... Il n'est pas pire. Ici, quand même, hein? Depuis son Québec, non, non, mais ici. Je l'écoute, les bandes sont, moi, je l'écoute. Hein. Et donc, du coup... Je suis allée voir deux banques qui m'ont dit, voilà, c'est pas raisonnable dans le sens où vous n'avez pas assez d'apport, vous n'avez pas de solidité financière, parce que mine de rien, c'est très très cher. C'est vraiment une aventure. Surtout que c'est à Paris, c'est gros centre. C'était très cher, tout. Donc du coup, j'étais prêt à vraiment, j'ai touché presque du doigt le rêve, donc on va savoir certainement que dans quelques années, je ferai plus que de le frôler. Mais là, actuellement, c'est fermé. Non, c'est encore en activité. Non. Maintenant, il va certainement être acheté. Sophie, merci d'être passée à mon émission. Oui, merci, Renaud. C'est toujours un régal. Ah, mais oui, c'est la même chose. Ça coule de source, hein, on n'a même pas à travailler, on a du plaisir à discuter devant un bon verre. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était hier, en fait. Il y a 7 ans, oui. Hein, oui. Mais 7 ans, tu m'as affolé quand tu m'as dit 7 ans. Oui, le temps passe. Me dis, allez, 3-4 ans, non, 7. Non, oui. C'est fou. Ouais. Et toi, donne-moi des nouvelles, alors, des errances rénaliennes. Ben, moi, l'émission est dure depuis 15 ans, puis elle dure depuis 15 ans. Ah, on a été changé de créneau horaire à plusieurs reprises. Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Quand c'était inclassable, on ne sait plus où te placer. Il y a des tiroirs. Hein? Avant ça, j'ai commencé en direct. Je faisais du direct le samedi de 16h à 18h. Ça, c'était mes tout débuts. Et là, il se passait plein de choses. Les policiers arrêtaient juste devant l'établissement. Parce que moi, non, attends un petit peu. Non, mais il n'y a rien d'illicite. C'est parce que moi, je travaillais à côté. Il y avait un SO à côté. D'accord. Moi, je travaillais de nuit à côté. D'accord. Donc, les policiers savaient que j'avais mon émission de radio. Donc, ils s'arrêtaient. Ils faisaient rouler les gyrophares pendant mon émission. Ah oui? Puis moi, je parlais d'eux. Puis lui, eux nous entendaient à la radio. Fait que c'était extraordinaire. Il y avait des... Et après ça, ben, on m'a muté. On m'a placé le jeudi de minuit à 2h du matin. D'accord. Bon. C'était après une émission plus rock psychédélique. Et moi, comme je fais jouer autant du punk que de la chanson française, que du rock expérimental, ils ne savaient pas me classer. Et ce qu'ils voulaient après ça, c'est une émission juste rock. Donc, on m'a replacé. La première émission, donc le dimanche ou si tu parles, à 23h59, pour ne pas dire le lundi à minuit. D'accord. De minuit à 2. Et là, cet été, on m'a replacé le dimanche à 23h jusqu'à 1h du matin. Et à la rentrée, je ne sais pas quel créneau horaire je vais avoir, mais je vais avoir un créneau horaire. Donc, mais depuis que je ne suis plus le samedi de 16 à 18, j'ai un studio maison et je fais mes émissions à partir de chez moi parce que l'horaire qu'on me donnait après le samedi, je travaillais de nuit, donc je ne pouvais pas être à la fois au travail. J'ai essayé, mais ça faisait mal de partir des deux. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Donc, c'était impossible. Donc, là, je me suis dit, OK, je vais m'équiper d'un équipement professionnel. Donc, le son est hyper, c'est CD numérique. On ne sait pas que c'est vraiment enregistré. Puis même, il y a des gens, encore après, ça fait 8 ans que je fais ça de chez moi, il y a des gens qui pensent encore que c'est en direct. C'est fou, ça! Ben, c'est fou. Alors, pourquoi? Mais parce que le son est impec, est numéro 1, est sublime, et que la vivacité est tout le temps là. Et quand je discute, je dis l'heure comme si il était 1h15 du matin. Ouais, ouais, ouais. Dû à mon magnéto qui me dit l'heure à partir de minuit. Donc, je sais qu'il est... Que là, c'est en direct, on va l'appeler. Et on m'a dit ça, qu'il recevait... Le répondeur était plein parce que les gens... pensaient que c'était en direct. écoute, hey, réponds. Que tu peux décrocher, ça, ouais, ouais, ouais, c'est juste. Et là, ben, je leur disais, envoyez-moi des courriels, même si je rementionnais que je n'étais pas en direct, et ouais, le générique ouais. dit enregistrer, parce que mon studio. Chez moi, c'est le studio des abeilles. D'accord. J'ai des c'est néons. Marrant, ça! Oui, ben oui, j'ai des néons. J'ai deux micros des années 50 avec le studio des abeilles. Et avant ça, c'était filmé, mais quand ma mère est tombée malade, très pleinement, c'est l'Alzheimer, je restais chez elle, dans sa maison, au sol, je reste encore là. Et pendant 4 ans, je l'ai vu évoluer, donc rapidement, elle a fait une crise de cœur silencieuse, on a dû la sortir parce que je ne pouvais pas intervenir s'il y arrivait quelque chose. Donc, on l'a placé en lieu sûr, à un moment donné, à l'hôpital. Puis après une maison médicalisée, oui. Ma grand-mère a eu cette maladie-là. Très pleinement, c'est l'Alzheimer. Et ensuite, elle a été dans une maison pour personnes âgées, mais spécialisée dans les colos. Et depuis samedi, elle ne mange plus, donc elle s'est arrêtée de s'alimenter. Ouais. Voilà, de s'alimenter. Et j'espère qu'elle va tenir le coup jusqu'à dimanche. Moi, je termine dimanche ici. Donc, j'ai mon studio maison, pour revenir à ça, à l'endroit où elle avait sa chambre. Et donc, je l'ai appelé le studio des abeilles. Et donc, j'enregistre et j'envoie ça à CKRL. CKRL place ça dans leur ordinateur et à minuit, mon émission commence. C'est génial. Et le dimanche, j'ai une émission en direct puisque il y a une vieille émission, on appelle ça des émissions racines à CKRL, qui sont là depuis 25-30 ans. CKRL est née en 1974. C'est une radio hertzienne ou web? C'est la première radio communautaire francophone au monde. D'accord. S'il y a des radios comme la Radio Libertaire, c'est grâce à nous. C'est nous qui avons amené les micros, le fonctionnement, les machines ici à Paris pour lancer les premières radios libres dans les années 80 avec Coluche, avec les Lafesse, les Super Nana, tout ah, ça, ouais. ça vient de chez nous. OK. Donc, qu'est-ce qui me faisait venir à ça? Donc, du coup, par exemple, les Parisiens, là, ils font comment pour vous écouter? Site internet de CKRL, ckrl.qc.ca, il y a écouter en ligne et tu vas l'avoir en direct. Bon. Sinon, ben moi j'enregistre et j'envoie ça à CKRL et quand les deux émissions te seront consacrées avec les chansons de Forrest Gump, oui. Donc je vais t'envoyer le lien en wave, donc c'est qualité laser, et tu vas pouvoir t'entendre avec les chansons de génial. Forrest. Et les 50 premières minutes, c'est l'improvisation à partir sur de la pilote. D'accord. Donc ça part en vrille, des fois c'est bon, des fois c'est... en tout cas. Et c'est ça. Donc, j'existe depuis 15 ans sur CKRL. Eh bien, félicitations. Ah oui, et le dimanche, il y a une émission qui s'appelle. En fait, c'est des émissions racines parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils sont là depuis à peu près 30 ans, qui s'appelle Les Routes Enchantées. Ouais. Et j'anime le dimanche cette émission-là. Donc, je prends le contrôle du micro pendant que les autres sont en vacances. Et eux, ils sont trois animateurs qui font une émission à chaque semaine. D'accord. Donc, ils font aux trois semaines une émission. OK? Parce qu'il y a des il y a un historien là-dedans, il y a des gens qui ont beaucoup de boulot en dehors de CKRL. Et moi, l'été, sauf les trois semaines du mois de juillet, parce que je suis à Paris pendant 10 jours, puis je prends une semaine. Attends, ça fait 10 ans, moi, que tu prends l'habitude de venir en juillet à Paris? Ça fait 12 ans. 12 ans, que d'accord. Je rencontre des artistes. Et comment tu fais pour sélectionner les artistes? J'envoie une bouteille à la mer. Quand je reçois, ben, je leur réenvoie une bouteille à la mer, et c'est comme ça qu'on peut se séduire. Il y en a plein qui ne me répondront pas, il y en a plein qui m'ont retardé. Ma plus belle surprise, je crois, c'est Jean-Pierre Coff. Il m'a dit oui du premier coup. On s'est rencontrés ici au Sancerre. On a mangé des andouillettes. 2 ans avant sa mort, c'est merveilleux, en tout cas. Et il m'a fait une belle émission, quoi. Une belle émission, mais surtout, il m'a raconté la France à travers les vents. Ouais. Et c'était merveilleux. Oh, c'est génial. Un minute extraordinaire. Et il discourait aussi sur l'amitié qu'il avait avec Gérard Depardieu. Et à un moment donné, il y a eu une dispute à cause du vin de Gérard Depardieu, mais ils disent on est devenus des grands amis après. Puis son grand copain, qui est celui qui est dans Buffet Froid, dont il mange un blanc. Un acteur aussi, non? Oui, un acteur. Jean-Pierre Coff? Non, Jean-Pierre Coff, c'est. Voyons, il en a parlé pendant au moins une bonne demi-heure. Il était très ému. Quand il est mort, comment il s'appelle? Je crois que tu l'as, oui. Attends. Ça fait quelques années qu'il est parti. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais il s'appelle. Comment ça s'appelle? Parce que je veux le dire. En tout cas, il en parlait, puis il a su sa mort. il s'est rendu en banlieue à 1h15 en voiture. Il l'a appelé, il était dans son lit encore. Il a appelé Gérard, puis il dit viens, X est mort. Ils se sont rendus sur place, ils ont ouvert une bouteille de vin, ils ont bu du vin et au mort, ils lui ont donné du vin. Poiré. Non? Non, pas Poiré, mais on est Non, non. Oui, mais c'est celui-là, là. Non, pas Poiré. Noiré. Non. Non? Non. Comment il s'appelle, non? Il a fait des films humoristiques, mais aussi Buffet froid de Billy. Buffet froid, tu dis? Oui. Ah, ok, oui, ça serait super. Comment il s'appelle? On va tout de suite voir. Eh merde, j'ai un blanc. Je le vois en plus. Je le vois. T'inquiète. C'est pas Serrault, c'est pas. Philippe Noiret, non, mais c'est pas non. Du tout, ça te dit pas? Non. Non, non, c'est alors, pas Noiret. Alors. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Children, what's that sound? Ooh, sugar pie, honey buns. You know that I love you. I can't help. il devait faire un film, il dit « Oh non, je me sens pas capable », il dit « Je sens que je m'en vais ». Alors, j'ai fait trois films. Alors, distribution... Il y a un tout petit rôle là-dedans. Ça, c'est la scène du métro, avec le couteau dans le ventre, hein. As-tu la liste des... Alors... Comment que ça pas Jean-Yann. Alors, analyse et critique... Alors, buffet froid... c'est pas habillé? Non. Ah, c'est... Non. Ah, mais attends. Comment que ça s'appelle? En tout cas, je te le dirai en nom. Alors, attends. Hop. Petit sac, là. Alors, on a Gérard Depardieu, on a Bertrand Blier, on a Jean Carnet. Jean Carnet. Oui, c'est ça que je te disais, Jean Carnet. Quand non, tu ne l'as pas dit Jean Carnet. Non, mais je t'ai montré la photo. Oui, c'est lui. Oui, Jean Carnet. Oui, alors c'est un grand ami de télécom. Grand pote, ouais. Oui, de Jean-Pierre Coffe. Et les deux se sont retrouvés avec lui, puis ils ont bu du vin. Et c'est une scène de buffet froid. C'est vrai? Oui, il y a une scène de buffet froid où c'est ça, mais on ne dit pas que c'est... Mais c'est hallucinant. Hallucinant. C'est fou, hein. Et je te dis, c'est... Puis quand j'ai dit au serveur ici, j'ai dit, attendez-vous quelqu'un? Je dis oui. Une grande vedette? J'ai dit, mais Jean-Pierre Coff. Vous ne croyez pas? Quand le taxi s'est arrêté, qu'on a vu Jean-Pierre Coff, oh mon bras! Hey, là, le propriétaire ici est venu me serrer la main puis serrer la main de Jean-Pierre. Vous n'avez pas été trop embêté pendant l'interview? Pas du tout. On était juste à côté. C'est vrai? Ah oui, on a. Et il n'y a pas des gens qui s'arrêtaient? Oui, il y a eu trois personnes, mais ça agrémente l'environnement sonore. Mais on a mangé des andouillettes, puis on a bu... Hey, deux semaines avant, ils sortaient de l'hôpital pour un pontage. Un pontage, ouais. Exactement. Oui. Il a bu deux bouteilles, il a fumé un cigare, il est parti pour prendre une photo de son livre « Ça se bouffe pas, ça se mange ». Et l'habit qu'il avait, on a pris des photos, quand on prend des photos, il avait le même habit que lorsqu'il est venu manger avec moi. C'est fou, ça. Fait que là, j'ai mis l'association. Regardez, il était là pendant... Il y a plein de gens comme ça qui m'ont... Là, c'était des personnages comme ça. Ah, c'est oui, vraiment... Oui, c'est et vrai. Des amoureux de la culture, justement, française. Et c'est ça qui est génial. Oui. Moi, ça ne m'étonne pas du tout quand tu dis qu'il nous a raconté un peu toutes les spécificités, toute l'histoire de la France à travers les vins. Ça ne m'étonne pas du surtout, tout. Surtout, c'est un type qui est véhément, qui sait mettre de l'ambiance, qui avec sa voix pro, puis sa façon. Il a déjà fait de la radio sur France Inter. J'ai écouté sur France Inter il y a 20-30 ans. Est-ce que je croyais à l'origine que j'allais rencontrer ce monsieur-là? Pas du tout. Ah non, ben non. C'est fou, hein? Mais c'est ça la magie de la radio aussi. Oui. Tu vois, la saison de radio que j'ai faite, eh bien, j'étais hyper contente de rencontrer, vraiment, il y a des artistes émergents, comme par exemple Alex Ramirez, que j'ai découvert pendant mon émission, et je suis vraiment, vraiment fan. Aurélia de Redinger, que vraiment j'ai eu plaisir à rencontrer. Il y a plein d'artistes comme ça, mais ça, c'est le bonheur que nous offre la radio. Oui, effectivement. C'est de la magie, la radio, parce que grâce à ça, il n'y a pas l'image. On est vraiment encerclé, juste... l'imaginaire nous amène le son nous amène l'imaginaire, on peut voir Sophie, on peut ben là on va la voir sur photo, mais on peut se l'approprier. Oui, puis en plus elle se cherche un homme. Ça peut être un Québécois, ça peut être un bûcheron. Alors, oh mon Dieu. Ah non, mais on va donner ton courriel. Puis, attention, je suis frileuse. Hein. Ah, elle est frileuse. Québec, faut quand même le faire non, en hiver. Hein. Okay. Ah là là, d'ailleurs, je sais pas comment vous faites pour vivre, quoi. Parce que moins 20, du... Ah oui. Il paraît qu'il y a des villes souterraines, des centres commerciaux qui sont faits en souterrain presque. Oui, il y en a, il y en a, mais c'est plutôt dans Montréal, ils en ont fait, oui, mais c'est pas courant. Non, c'est pas courant. Non. Mais on passe pas tout un hiver à pas sortir quand même. On s'en va travailler, on bouge, on fait du ski, de la raquette. Ah bah oui. Mais le froid, ça fait partie de notre vie. On sait que les gens qui restent aux Caraïbes avec la chaleur et tout ça, nous, c'est... Comme disait Gilles Vigneault, mon pays, c'est l'hiver. C'est ça, exactement. Mon pays, c'est l'hiver. Il est encore vivant, Gilles Vigneault a 94 ans, il est en tournée actuellement en Suisse. C'est fou, hein? Ah, je me rappelle, quand j'étais gamine, donc il y a des albums comme ça. C'est marrant, mais des albums qui te marquent. Et donc, du coup, j'étais bercée au Maxime Le Forestier. le jour où j'ai la chance de le rencontrer, peut-être... Qui ça? Excuse. Maxime Le Forestier. Ah, ok, Maxime Le Forestier. Mais je suis une fan d'enfance, enfin des chansons qu'ils ont. Et il y avait ce disque, ce vinyle de Gilles Vigneault. Il y avait vraiment celui, il y avait... Ah mince. Une chanson avec un panier ou je ne sais plus. Ah. Des ah oui, ok, je sais. Ah oui, oui, oui, oui. Comment oui, tu oui, je sais ce que tu veux dire. Ouais, c'est. The Market, madame, c'est mon bras. Exactement. I went to the market. Moi, qui fais du tout, I went to the market. Moi, qui fais du tout. Exactement. Ouais. J'ai un temps. Non, non, non, c'est dommage qu'on fait une guerre chez Néné, c'est pas vrai qu'on fait pas. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, donc, ouais, j'ai connu ça, Gilles Vigneault. J'avais quoi? J'avais du ABBA à l'époque, que mes parents écoutaient aussi. Peut-être même Félix Leclerc, on est contournable, Félix Leclerc. Alors, je connais très, très peu. OK. C'est très plutôt peu. Chansonnier. Ça touche plus à Brassens que Gilles Vigneault, c'est le côté, hein, la véhémence, le gars un peu... Et surtout, il sait très bien raconter des histoires. C'est un conteur. Ah, c'est ça que j'adore dans votre dans la culture québécoise, c'est vraiment, il y a le don. Ben, il y a Fred Fortin aussi. Fred Pellerin, un Québécois. Oui, ça j'ai entendu. C'est de Saint-Élie-de-Caxton, qui est un petit coin, un petit bled, que même avant son arrivée, on ne savait même pas où était Saint-Élie-de-Caxton, nous les Québécois. C'est rendu même un endroit où les gens vont visiter juste parce que Fred Pellerin en a parlé. Et ils ont vraiment des grands personnages là-bas. Ça, il faut vous le garder, ça. Ah oui, mais bien souvent à Paris, en France, Fred Pellerin. C'est vrai, oui? Ah ouais, ben oui. Et puis, bien sûr, il y a l'incontournable Céline, qui est quand même ambassadrice. Là, elle est même plus québécoise, elle. Oui, c'est vrai que... Elle est universelle. Elle est universelle. Ah, c'est ça, ouais. Mais non, je trouve que c'est magnifique, les albums qu'elle a fait, le travail qu'elle a fait avec Goldman. Enfin, moi, je suis une fan absolue. Rainé qui est décédée? Oui, forcément, oui, là, ça... Ben, justement, c'est l'année dernière a commencé vraiment hyper bizarrement, quoi. On a perdu justement René. Il y a Bowie qui est parti, Prince. Oui. C'est quand même une sacrée année, l'année dernière. Mais surtout Prince. George Michael, que j'étais une fan absolue. Oui, mais David Bowie a tout fait pour la musique, a inventé un style musical. C'est vraiment. Ça a donné un coup vraiment. Puis surtout sa mort, c'est effacé pour les proches en 24 heures. Il est enterré, fini. Ah ouais? 24 heures. Il est mort, puis il a été incinéré quelques minutes après, parce qu'il voulait que ce soit rapide, que ce soit non pas médiatisé, tu sais, que c'est comme Michael Jackson, puis tout ça. Donc, ils se sont rapidement pris le corps de Bowie pour l'incinérer, faire un enterrement vraiment très classique avec la famille, dans le côté le plus singulier possible. Et le reste, ben, ça reste aux fans, comme toi, moi, et voilà, c'est ça. Eh oui, allez. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Going where the weather suits my clothes. shores. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. To the sea, how many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.